chanson douce. Ça sent pas bon dans la maison quand papa fait ça. Je m'en vais dans le salon. J'aime mieux regarder la télévision que de sentir son pet qui sent pas bon. Ça arrive souvent quand il mange du jambon ou bien la crème glacée. C'est ça qu'il fait péter. Parfois, maman fait comme papa. On n'entend rien, mais ça sent le caca. Je sors dehors, faut pas rester là. Ça sent plus mauvais qu'une litière de chat. Ça arrive souvent quand elle mange des patates ou bien la crème fouettée. C'est ça qui a fait péter. Si tous les parents sont comme les miens, ils pètent souvent mais ne dis jamais rien. Mais ils ne font jamais quand y a de la visite. La maison sent toujours bon.